Jaa sama gaay da ka skos 45 ñew indiwat benen rek quoi le li nak benn toxkatu bon la won quoi gaay bi nga xam bi mu nekké ci dunya bi gaay tox bon rek la defon muy adunaam quoi fokk fekk mi ngi yor joam di xëc ci tranquille so fire quoi tu vois légui ñu dem enfer nak quoi ñew gis garabu cannabis fu nekk gaay yamba bi agogo mais ñepp mu gis kenn laalu ko affaire yu bizarre si mom quoi mu ñew mom gayen sop bay bëgg day wat tranquille ñew xawma fu mu régler ji feuy dem régler ji feuy ñew rouler gayen tak joan am tek sax ci gi mi ngi quoi gis ben gayen mu ne normalement bokku fi ko fi safara lañ nek mom maat wul fi jafé quoi mu daal ñew ci ben gayen ne ko eh da fois sama gayen nu mu démé ben ki wu en fait maat la soxla won quoi dama bu won daal sama voyage vite fait quoi mu ne ko sama sëriñ fi safara lañ nekk mais safara bi mom mo fi manqué quoi ken am fi accès daf ma ne lebb neexul dara nak